Le porte-parole de la société de Liaoning de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 25 avril une communication contre les bellicistes américains et sud-coréens ambitieux de causer les dommages nucléaires au peuple coréen. Par ailleurs, le même jour, le porte-parole de l'Association des jeunes Coréens en Chine a publié une communication pour appeler tous les jeunes Coréens en Chine à s'engager dans la lutte anti-impérialiste avec les jeunes dans la patrie.